Marcel Schwab ou Libro de la Mia Memoria, la rubrique des images. Note, ces dernières pages de Marcel Schwab parurent au mois de mars 1905 dans la revue Vers et Prose que dirigeait son ami Paul Faure. Fin de la note. Le Christ au Rossignol. Le Vendredi Saint. Le Christ est sur la croix, agonisant. Les disciples, terrifiés, se sont enfuis. Marie est retournée, épuisée de larmes. Il doit ressusciter, mais ce n'est pas lui qui ressuscite. Les disciples en ont trouvé un autre qui lui ressemble. C'est celui-là qui apparaîtra à Marie, à Madeleine et aux pèlerins incrédules. Le Christ est abandonné. Il va mourir sur la croix, dans une lande brûlée, où il y a des ravins comblés de ronces. C'est le dimanche matin. Voici que l'imposteur a ressurgi, et le Christ, dans son agonie, entend la rumeur au lointain et les voix joyeuses qui chantent, qui riaient et léissonnent. Puis tout est silencieux encore, le silence nouveau du saint dimanche. Alors paraît au bord d'un trou pierreux un petit lièvre. Et, sur la branche d'une ronce, un petit rossignol vient et regarde. Et le petit rossignol parle à Jésus. Deux, le souvenir d'un livre. Le souvenir de la première fois où on a lu un livre aimé se mêle étrangement au souvenir du lieu et au souvenir de l'heure et de la lumière. Aujourd'hui, comme alors, la page m'apparaît à travers une brume verdâtre de décembre ou éclatante sous le soleil de juin. Près d'elle, de chères figures d'objets et de meubles qui ne sont plus. Comme, après avoir longtemps regardé une fenêtre, on revoit, en fermant les yeux, son spectre transparent à croisière noire, ainsi la feuille traversée de ses lignes s'éclaire dans la mémoire de son ancienne clarté. L'odeur aussi est évocatrice. Le premier livre que j'eus me fut rapporté d'Angleterre par ma gouvernante. J'avais 4 ans. Je me souviens nettement de son attitude et des plis de sa robe. D'une table à ouvrage placée vis-à-vis de la fenêtre, du livre à couverture rouge, neuf, brillant, et de l'odeur pénétrante qu'il exhalait entre ses pages. Une odeur âcre de créosote et d'encre fraîche que les livres anglais nouvellement imprimés gardent assez longtemps. De ce livre je reparlerai plus tard, j'y ai appris à lire. Mais son odeur me donne encore aujourd'hui le frisson d'un nouveau monde entrevu et la fin de l'intelligence. Encore aujourd'hui, je ne reçois pas d'Angleterre un livre nouveau que je ne plonge ma figure entre ses pages jusqu'au fil qui le broche pour humer son brouillard et sa fumée et aspirer tout ce qui peut rester de ma joie d'enfance. Le livre et le lit. livre dans son lit, est un plaisir de sécurité intellectuelle mêlé de bien-être. Mais il change de nature avec l'âge. Souvenez-vous de la page la plus intéressante du gros roman que vous dévoriez après coucher, le soir, vers 15 ans, dans le moment où elle se brouille, s'assombrit, s'efface, tandis que la bougie brûlée à fond crépite, palpite bleu dans le bougeoir et s'éteint. Je m'éveillais le matin avant 5 heures pour tirer de leur cachette sous mon traversin les petits livres à 5 sous de la Bibliothèque nationale. C'est là que j'ai lu les paroles d'un croyant de Lamennais et l'enfer de Dante. Je n'ai jamais relu Lamennais, mais j'ai l'impression d'un terrible souper de 7 personnages, si j'ai bonne mémoire, où résonnait comme un son de fer fatal, que je reconnus plus tard dans un conte de Poe. Je mettais le petit livre sur l'oreiller pour recevoir la première pauvre lumière du jour, et, couché sur le ventre, le menton soutenu par les coudes, j'aspirais les mots. Jamais je n'ai lu plus délicieusement. Il n'y a pas longtemps que j'ai essayé, un soir, de reprendre ma vieille position de 5 heures. Elle m'a paru insupportable. Une charmante dame slave se plaignait un jour devant moi de n'avoir jamais trouvé la position idéale pour lire. Si on s'assied à une table, on ne se sent pas en communion avec le livre. Si on s'en approche, la tête entre les mains, il semble qu'on s'y noie dans une sorte d'afflux sanguin. Dans un fauteuil, le livre pèse vite. Au lit, sur le dos, on prend froid aux bras. Souvent, la lumière est mauvaise. Il y a de la gêne pour tourner les pages. Et, sur le côté, la moitié du livre échappe. Ce n'est plus la véritable possession. Voilà pourtant où il faut se résoudre. C'est détestable pour les yeux, disent les bonnes gens. Ce sont de bonnes gens qui n'aiment point lire. Seulement, l'âge diminue le plaisir de l'acte défendu où on ne sera pas surpris, et de la sécurité où toutes les audaces de la fantaisie peuvent danser à l'aise. Reste la solitude douillette et tiède, le silence de la nuit, la dorure voilée que donne sous la lampe aux idées et aux meubles luisants l'approche du sommeil, la joie sûre d'avoir à soi, près de son cœur, le livre qu'on aime. Quant à ceux qui lisent au lit, contre l'insomnie, ils me font l'effet de pleutre, admis à la table des dieux, et qui demanderait à prendre le nectar en pilule. IV. Les Hespérides. Lire Eric, c'est lire des abeilles et du lait. Les mots sont luisants d'huile de fleurs, frottés de nard et drapés de gouttelettes parfumées. Ces vers volent à l'éternité avec de petites ailes d'or battu. Il ne faut pas plus couvrir les Hespérides et y tremper vite les yeux, comme dans une vapeur de bain joint. Toute ligne apparue est peinte d'odeurs qu'on hume du regard. Cire vierge et givre, riche pollen de pistil, nacre de papillon, pulpe de marguerite rosée. Sa tête frisée et aquiline, toute convergente vers la bouche, soufflait des bulles d'or. Il était ivre d'un vin qui pétillait en mousse de poésie. Buvez ses chansons dans des lacrymatoires de verre très minces. pour une seconde, vous serez entouré du printemps le plus blanc et de l'été le plus jaune. Mais ne lisez pas longtemps, vous seriez noyé dans un océan de roses. Robinson, Barbe Bleue et Aladdin. Le plus haut plaisir du lecteur, comme de l'écrivain, est un plaisir d'hypocrite. Quand j'étais enfant, je m'enfermais au grenier pour lire Un voyage au pôle Nord en mangeant un morceau de pain sec trempé dans un verre d'eau. Probablement j'avais bien déjeuné, mais je me figurais mieux prendre part à la misère de mes héros. Le vrai lecteur construit presque autant que l'auteur. Seulement, il bâtit entre les lignes. Celui qui ne sait pas lire dans le blanc des pages ne sera jamais bon gourmet de livres. La vue des mots comme le son des notes dans une symphonie amène une procession d'images qui vous conduit avec elle. Je vois la grosse table mal équarrie où mange Robinson. Mange-t-il du chevreau ou du riz? Attendez, nous allons voir. Tiens, il s'est fait un plat tout rond en terre rouge. Voilà le perroquet qui crie. On lui donnera tout à l'heure un peu de blé nouveau. Nous irons envoler dans le tas de réserves, sous la pantie. Le rhum que Robinson buvait, quand il était malade, était dans une grosse bouteille noire, avec des côtes. Le mot « fowling piece », pièce à volaille, que je ne comprenais pas trop, me donnait les imaginations les plus extraordinaires sur le fusil de Robinson. Longtemps je me suis figuré que les icoglans stupides des orientales étaient une espèce de caméléon. Encore aujourd'hui, je fais violence à ma fantaisie pour lui persuader que ce ne sont que des gendarmes. Comment était faite la lampe d'Aladin? À mon idée, un peu comme les lampes à huile de notre salle d'études. Aussi étais-je anxieux de la manière dont s'y prendrait Aladin pour la vider. L'endroit où il fallait la frotter avec du sable fin, les mots ne sont nulle part dans le texte, mais je ne puis les en dissocier. Et c'est encore avec du sable fin que la femme de Barbe Bleue essaye d'effacer la tache de sang sur la clé. Se trouver quelque part sur le renflement du ventre en métal. Je sais maintenant que la lampe d'Aladin était une lampe de cuivre, à bec, toute ronde et ouverte, comme les lampes grecques et arabes. Mais je ne la vois plus. Revenons à la clé de Barbe Bleue. Ce qui m'y plaisait, c'est qu'elle était fée, quelque chose qui m'intriguait prodigieusement. Je n'y comprenais rien, mais j'y pensais bien souvent. Hélas, c'est une faute d'impression devenue traditionnelle. Dans l'ancienne édition, elle est bien rare, vous lirez que la clé était fée, fata, enchantée, qu'on y avait fait œuvre de fée. C'est très clair, seulement je ne peux plus y rêver. La pantoufle de verre de Cendrillon, comme ce verre me paraissait précieux, translucide, délicatement filé, à la manière des petits bougeoirs de Venise avec lesquels nous avions joué. La pantoufle est en étoffe, en verre, V-A-I-R. Je ne la vois plus du tout. Je me figurais avec une grande précision les olives vertes et luisantes, saupoudrées avec de la poudre d'or, dans les vases de Kamar al-Zaman. Le mur un peu délabré, veiné de lierre, gris de mousse, empli de soleil, au pied duquel le prince travaillait chez le jardinier. La boutique de Brededdin Hassan, devenu pâtissier. L'arête fixée dans la gorge du petit bossu. Le gros livre empoisonné avec ses pages collées l'une contre l'autre. Et la tête de Durban soudée à la couverture de cuir brun du livre par le sang figé, comme un bout de bougie sur de suif glacé. Chères, chères images dont j'aime tant à revoir les couleurs quand je les trouve sous leur rubrique « Nel libro della mia memoria ».